Alors, Dance and Rock, qui était aussi sous la thématique licorne. Comme si c'est... Oui, il faut toujours rajouter des couches dans la vie. Et déjà, je vous ai parlé de licorne tantôt avec les zombies. Les zombies sont à la mode, les licornes sont à la mode, mais disons qu'au party Dance and Rock, il n'y avait pas de licorne zombie, il n'y avait que de la licorne. C'était, oui, c'était encore une fois bien coloré, bien festif. Et c'est là... J'ai été charmement, je viens d'inventer un adverbe, oui, mais oui, j'ai été très heureuse de finalement d'y être. Les gens étaient, ouais, ouverts, ils voulaient se faire des amis, ils étaient jasants, ils étaient festifs, mais j'ai jamais vu des gens tant dérapés. En tout cas, peut-être que je suis chanceuse, là, parce que dans la section rock, oui, beaucoup de plaisir. Et en même temps, c'est un plaisir qui n'est pas... Qui n'est pas innocent, c'est des shows de cover, donc il y a déjà un amour certainement acquis, puisqu'on va entendre des chansons qu'on est heureux de retrouver et de réentendre sur scène. Alors je crois que oui, le public peut déjà compter en cette part-là, et dans un sens pour le mieux, parce que ça aura fait, oui, un bon sentiment de... d'inclusivité. Ouais, inclusion. Il s'est passé de quoi, si? J'ai passé une belle soirée, qu'est-ce que je te dis? Au début, j'y croyais pas du tout. J'étais comme, oh mon Dieu, dans quoi je me suis embarqué, c'est n'importe quoi. Ah, j'ai peur. Puis après ça, finalement, non! Les licornes étaient gentilles! Alors, sur ça, écoute, à chaque fois que je fais une émission qui a, oui, un certain... Ben, cette fois-ci, c'est l'ETS, là, mais que ça parle moindrement d'école. J'ai tout le temps le mauvais goût de vouloir passer lâche l'école de Gerbia et ça va récidiver parce que je vous la repasse sur les ondes de la marge. Ne lâche pas l'école, tu l'écoutes au deuxième degré avec ton arme de punk Gerbia et la chanson Lâche l'école de son album Lâche l'école. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de CISM en ce spécial Tommy, en ce spécial, ben oui, spécial Imo et spécial Imo. Mais sans voir, sans en voir aucun groupe, ben non, je ne vais pas ni voir Silverstein, mon Dieu, la semaine prochaine, mais je ne vais ni voir My Chemical Romance, ce sera plutôt, oui, c'est de... cette retransmission indirecte, puisque c'est des groupes qui les aiment et qui repartagent leur amour pour ces chansons. Oh, aux licornes. Ben oui, spécial aussi licorne, puisque à ce party, c'était assez costumé, les gens étaient assez participatifs. Et au début, ouais, c'est sûr que ça prend peut-être une chanson ou deux, juste d'arrêter le moment où c'était... Ça commençait à 10h, les portes ouvraient à 9h30, et ça donnait les gens de s'installer sur les bancs de cuirette. Oh, des bancs de cuirette qui ont du vécu, là, c'était de la simili-cuirette, puis là, de loin, tu te dis, ah, mon Dieu, c'est bien chic par ici, puis après ça, tu te rapproches, puis t'es comme, oh là là! C'était tout défaite comme s'il y avait un chat qui était passé. Il y avait vraiment des strates de faux cuir qui... ouais, voilà. Fait que, ouais, on se détend sur la cuirette et on profite pas tant de la musique du DJ qui nous a passé trois fois du Bob Marley. Je me suis dit, mon Dieu, il manque d'imagination ou il n'avait pas apporté assez de musique et il arrivait quelque chose. Fait que, ouais, petite transition avant le début, que la crowd s'installe pour de vrai. Et je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que il y a tellement un facteur particulier à ce spectacle-là. Pour moi, c'est un spectacle, puis dans ma tête, c'est pas un vrai spectacle. Je me disais, les gens, ils viennent fêter d'abord et avant tout. Alors, est-ce qu'ils vont être participatifs? Est-ce qu'ils vont voir ça comme un décor sonore, puis ils vont juste comme se promener dans l'espace, puis jaser, puis être juste assis, puis s'en foutre un peu, finalement, du spectacle et du groupe? Mais non! Vraiment pas. On a eu affaire à une vraie crowd, tu sais, qui trash puis qui s'amuse. Mais c'est drôle que je dise le vrai du faux parce qu'un band de cover, il y a comme une espèce de... Je sais pas, il y a comme une espèce... J'ai l'impression que je vis comme dans le palais des miroirs. Je sais jamais si j'avance dans un miroir, dans du petit glace ou genre dans le vide. Mais ouais, il y a cette espèce de sentiment-là de... J'assiste à un vrai spectacle avec du vrai monde, de la vraie crowd, les vraies chansons, mais c'est pas le vrai band. Mais il y a tout cet amour-là quand même qui est repartagé parce que les musiciens, ils les aiment, comme je vous ai dit tantôt. Et pour moi, ça, c'est palpable. Et c'est ça qui fait aussi la différence que ça n'a pas l'air de quelque chose de plaqué ou de faux. C'est que finalement, c'est le plus grand partage, ouais, d'amour d'un genre musical de celui qui participe dans la crowd et qui participe aussi sur scène en tant que musicien. Alors, ouais, ça a été pour moi vraiment comme une très belle surprise. C'est pas la première fois non plus que je vois un show de cover, puis à chaque fois ça lève. La dernière fois c'était le show de Nirvana au Club Soda, puis ça me fait encore capoter comment j'avais l'impression d'être ouais en 1990 à part les cellulaires, mais qu'il y avait autant d'engouement, autant d'énergie. Puis j'ai l'impression des fois. Ah, et je crois que ça s'est encore confirmé cette fois-ci. Là, c'est sûr que c'était pas juste un seul groupe. C'est pas hommage Nirvana, c'est hommage Imo, fait qu'il y avait comme vraiment une grande variété. Et quand je dis variété, ils ont même fait une reprise de André Waters version punk rock, fait que ça pouvait être vraiment large là dans la thématique. Mais pour moi, j'ai l'impression que le fait que ce soit pas le vrai groupe permet à la foule d'être encore plus déluré, d'encore plus trippé, d'être encore plus... tu l'as pas dans ta face, t'es pas aussi excité de « Oh mon Dieu, c'est mon groupe préféré! Je suis trop énervé! » Fait que t'as quand même l'œil sur la foule, même si t'as l'œil dans le trash. Et oui, tu vas avoir un certain... Tu vas vouloir donner aussi plus au groupe. Tandis que cette fois-ci, on a plus un rapport d'égalité avec les musiciens. Tu sais, on n'est pas en train de... Ben, on les trouve sympathiques, on est heureux qu'ils jouent pour nous, mais on n'est pas en train de les admirer quand on est des fans finis, par exemple. Alors pour moi, il y a comme une plus grande part de ludique. Et complètement, il faut dire aussi que le band de cover, ça va être de rock show, puis eux autres aussi, ils jouent beaucoup sur cette ligne-là, le ludique. Et ça va se voir parce que là, on a un trash avec des licornes, du monde coloré, parce que, tu sais, à un moment donné, il y avait plus de pit, puis une fille avec des ailes roses qui passe au travers. Tu sais, il y a quelque chose de très carnavalesque en soi par l'événement, mais aussi, et aussi dans le pit, tu sais, le trash était très large, pas très serré, oui, ça faisait en sorte qu'on pouvait beaucoup marcher, beaucoup courir, beaucoup sauter. Et je crois que ça aussi, dans l'espace, ça amenait encore plus cette atmosphère de ludique. On trash, mais il y a beaucoup d'à côté, tu sais. Je pense que j'étais en train de gambader tellement ça faisait « Oh mon Dieu, je suis féerique, je gambade parmi les licornes. » Et le lapin, ben oui, le band de cover, ils ont un lapin, une mascotte, et ils ont même une carotte. Et... Ça, c'est, oh mon Dieu, c'est comme la grossière indécence, mais végétale, parce que la carotte, elle a une vraie carotte dans les mains, puis elle la rampe sur scène, puis dans la foule, puis oui, tu sais, c'est drôle, là, on peut pas accuser que c'est pas rigolo, même si, oui, c'est vulgaire, mais c'est une carotte, fait que c'est comme, ben ouais, ça pardonne que tu rampes ta carotte entre tes jambes, là, de façon explicite, fait que... Mais le fait aussi que les gens, justement, ils étaient, oui, dans un trash, un vrai. Tu sais, ça pousse, mais c'est toujours avec un petit regard tannant, l'air coquin. J'ai eu des commentaires après le spectacle, comme quoi il y a peut-être des gens là, qui peut-être poussaient un peu pour de vrai. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être des personnes qui n'étaient jamais vraiment assistées à un show de punk rock, fait qu'ils ne savaient pas comment pousser, je pourrais accuser ça. Mais autrement, non, c'était drôle. Il y a eu un circle pit, tout ça ressemblait plus à de la danse folklorique avec le lapin, là. Fait que tu te dis, ah, oh, mon Dieu, est-ce possible? Mais oui, puis j'en suis ressortie comme une gamine. Je m'amusais, je sautais partout et ça, les gens appréciaient aussi ça. Ça a l'air un peu drôle là, de... Ben, j'allais dire de me mettre en avant-plan, là, mais d'habitude, je sais pas, je me fonds à la foule et je participe. Des fois, je peux m'exciter plus que la moyenne, mais cette fois-ci, il y avait des gens carrément qui m'arrêtaient puis ils faisaient comme « Merci, c'est cool, comment t'es? » Là, je trouvais ça bizarre, je me disais « Voyons donc. » C'est gentil. C'est gentil comme ça. C'est comme un bon compliment pour Critique de Crowd. Comme, merci, t'es une bonne foule. Je suis comme, ben, mais j'ai du plaisir, puis vous êtes plaisant. C'est un bon partage. Mais j'ai aussi entendu la phrase comme, ah ouais, t'as des couilles parce que tu pousses, puis il y a peut-être pas beaucoup de filles dans le pit. Et c'est là que j'ai eu comme plus le drôle de constat de, oh, ah ouais, c'est le party de l'ETS, puis peut-être qu'il y a pas beaucoup d'étudiantes filles. Ce serait-tu juste ça, ils sont comme pas habitués d'en voir ou quoi? Ça se peut pas, là. Je veux dire, on n'est pas une espèce en voie d'extinction, là, c'est pas normal. Mais je l'ai pris comme un compliment et en même temps, je suis triste de l'entendre. J'aimerais ça qu'il y ait juste autant de filles que de gars dans un pit puis que ce soit la moindre des choses, que ce soit normal. Fait qu'en même temps, c'est comme... c'est doux, amer. Tu es comme, ah, ben tant mieux qu'on ait du fun, mais la vie en société... Hey, pendant que je suis triste, ça va être vraiment l'occasion de pleurer puis de passer des tonnes emo. Mais hey, c'est YSM. On a aussi notre ratio de groupe emo et je pense à Rancœur et je pense aussi à... cette merveilleuse compilation qui est le dictionnaire de l'IMO. On écoute ça tout de suite sur les ondes de la marge. J'écoutais avec vous, chers auditeurs de la marge, rancœur et sport, et je me disais, c'est fou comment c'est une grande famille, hein, la famille Imo, parce que pendant que je parle de cover, de use, de, c'est sûr que musicalement, aïe, aïe, aïe, c'est différent. Et bien oui, vous avez entendu Grand Brûlé de Rancœur se retrouve sur leur EP, et sinon vous avez entendu Sport, évidemment vous pouvez aller écouter leurs albums, mais cette chanson-ci, je l'ai tirée, Tromper l'ennui, du dictionnaire de l'Imo. Oui, je vous la passe souvent, je vous la recommande, c'est vraiment une très très très belle compilation de Ben punk emo français. Et voilà, et sinon vous écoutez toujours Critique de Crowd en ce spécial Ah, spécial beaucoup de choses, spécial licorne, spécial tout le monde s'amuse parce qu'il y a un bar ouvert au spectacle, événement d'ouverture de la rentrée scolaire. Ben oui, Dance and Rock et 2 heures de cover, ben ça donne un entracte. À un moment donné, hein, je parle de bar ouvert parce que ben oui, il faut se rafraîchir parce que suer dans un pit, ben oui, il faut s'hydrater. Et bon, vous allez me dire, Jolène, tu payes pas aussi cher ton bar ouvert pour t'abreuvoir d'eau. Come on. Effectivement, les gens se sont pointés ben, pour boire. Et c'était principalement ma crainte. Je me suis dit, ça peut être dans... Je me sentais comme... Je suis jamais allée dans un club med, dans un tout inclus, là, où tout le monde peut boire à volonté et les résultats que ça peut te donner socialement, là, comme la dynamique. Et non, ça s'est bien passé. Je crois que ça s'est bien passé parce qu'il y a sûrement eu plein de gens insatisfaits. Parce que le service n'était pas rapide. Parce que ils ont avant la fin de la soirée, le bar était vide. Fait que finalement les gens ont peut-être été obligés d'être modérés sans que ce soit leur choix. Mais tant mieux, c'est meilleur pour ta santé déjà en partant. Et valait mieux ne pas trop s'attarder au bar parce qu'il était achalandé. Effectivement, ça pouvait être long les fils. Ça faisait partie vraiment de la crowd. Et en tout cas pour la partie rock, je peux pas autant parler de la partie électro. Le bar qui était à côté de la scène, c'était une espèce de grand rectangle, là, un grand prisme où les gens pouvaient quasiment commander à 360. Fait que pour les deux pauvres barmaids, ça devait être l'enfer parce qu'il y a des gens partout qui sont comme hey, ça fait comme 20 minutes que j'attends. Hey, tu m'as pas servi. Hey, finalement il y avait ça aussi que je voulais. Excuse-moi, j'avais pas fini. Puis mon Dieu, ça devait être épouvantable, sincèrement. Et je vous le dis parce qu'il y a quelqu'un juste à côté de moi qui se plaint que ça fait 30 minutes qu'il attend. Et ma première réponse aura été de dire, ouais, je me mêle de mes affaires là aussi. Mais j'ai dit, si toi, ça fait 30 minutes que tu attends, elle, ça fait 30 minutes qu'elle roche comme une malade. Fait que tu peux compatir au lieu de te plaindre. Ou, mon Dieu, faire d'autres choses de ta soirée, mais c'est sûr qu'au prix que tu as payé ton billet, t'as envie d'avoir au moins ne serait-ce qu'un petit breuvage. Je comprends. La seule chose, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait des gens qui manquaient de savoir-faire, de savoir-vivre avec la barmaid, les barmaids. Et ça, j'ai envie de te le dire. Je sais, cher auditeur de la marche, que c'est pas ton cas parce que toi, tu sais vivre. T'es beau, t'es fin, parce que t'écoutes, c'est yes. Puis je sais que vous êtes du beau monde, mais je le répète, pour le bien de tous, respecte sa bulle, parce que le fameux gars qui dit que ça fait 30 minutes qu'il attend, tu sais, il y a une petite craque là, dans le bar, faut bien qu'elle rentre pour pouvoir travailler, là, c'est pas un lieu fermé. Mais il était carrément dans cette porte-là, puis il essayait d'être dans sa bulle, puis tu sais, d'aller lui tapoter l'épaule, comme « Hey, coucou, j'existe, ça fait trop longtemps que j'attends ». Puis je suis comme « Non, tu comprends pas, tu peux pas péter la bulle de quelqu'un qui travaille, surtout t'es comme trop proche du bar, on le sait pas, peut-être qu'elle, elle va penser que tu veux y voler quelque chose. » Fait que c'est l'inverse. Si tu veux, genre, un bon service, soit distant, là, soit respecte sa bulle. Je sais que la bulle était pas mal pétée pour tout le monde parce que, justement, c'était super crowded. Fait que nous-mêmes, on était serrés les uns contre les autres. Mais elle, c'est différent. Elle travaille. Et quel travail! Parce que j'avoue, j'observe pas tant les techniques de travail des bars à Montréal, mais cette fois-ci, ça m'a un peu épaté, mais pas dans le bon sens. Mais non! C'était une espèce de machine qui ressemblait à un clavier d'ordinateur, mais un peu archaïque, où elle pitonnait des codes, là, tu sais, comme je joue au bingo, là. A, B, B6, puis là, elle poinçonne ça. Après ça, comme 1 million d'années plus tard, il y a un petit jet qui coule, comme s'il avait, comme, tout son temps, là. Il est comme, je coule goutte à goutte un once d'alcool, et après ça, elle peut, comme, finir le drink, puis te l'offrir, puis mettre de la glace, puis merci, bonsoir. Puis là, non, tu sais, on s'entend que c'est la technologie qui faisait en sorte que rien n'était efficace. Et je me disais, pauvre fille, elle est obligée, comme à chaque fois qu'elle fait une commande, de comme réussir un match de Tetris contre une machine, puis après ça, servir le monde. Alors, ça m'a un peu épatée, puis j'ai envie de le répéter, mais soyez compatissants, parce que des fois, il y a comme tellement des facteurs qui font que c'est au-delà de la capacité humaine. Et donc, oui, il y a une certaine part de la crowd, puis la crowd qui commence à être impatiente, puis de la licorne impatiente, c'est-tu pas beau? Voyons donc, sois patiente, t'es une licorne, calme-toi. Et justement, il y avait des gens qui, à l'inverse, étaient sympathiques. Ils ont même été, j'ai vu de la solidarité de l'impatience. C'est possible. C'est possible. Parce qu'il y avait un gars, il avait commandé plusieurs verres, puis je pense que le temps qu'il avait attendu, il était tanné. Il était comme, m'en voulez-vous? Puis il les donnait. Il était fraîchement servi. De la main de la serveuse à ses mains, il les distribuait comme ça. Puis moi, je le connaissais pas, il m'en a offert un. Je fais comme, ben mon Dieu, ben merci beaucoup, c'est bien agréable. Alors, même là, où je pourrais voir que des aspects, ouais, négatifs, les moins bons côtés de la foule, des fois, on n'est pas toujours à notre meilleur, on n'est pas toujours sympathique, ben bang, merci à toi, chère personne pour qui un sentiment négatif est devenu quelque chose, oui, de sympathique pour les gens qui t'entourent. Et sinon, si vous voulez d'autres conseils pour bien être gentil avec le barman, on dirait que j'ai envie de vous dire, ben ouais, va relire les chroniques du petit tavernier, parce que moi, j'étais bien fan dans le temps qu'il écrivait au Bang Bang. Je suis certaine que c'est encore aussi bon, même s'il a cessé d'écrire depuis un petit bout à Saint-Merci. Et on va écouter, ben oui, ben évidemment, le petit tavernier, c'est Sonny Duval. Il a même une chanson pour le dire, « J'aime la barmaid » sur son album « Achigan ». Ce cher Sonny Duval et la chanson « J'aime la barmaid ». J'ai envie de tout de suite continuer en musique. C'est de moi à moi. On va écouter une reprise parce que oui, je vous parle d'un show de reprise. Mais moi, à mon adolescence, ben oui, j'écoutais du grunge. J'étais bien fan de Nirvana. Alors, ça m'a donné le goût d'écouter justement une reprise de Nirvana faite par les vétérans « Territoire de pisse ». Don't Territorial Pacings, ben oui, une reprise faite par les vétérans. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd, qui, coup de théâtre, t'avais zéro dit qu'il y avait un vrai groupe dans cette soirée de cover, après 2 heures complètes de reprise, de foule enflammée, qui chante, qui trippe, qui saute partout, qui sont excités et qui... oui, oui, ils sont vraiment rigolos. Mais écoute, en premier, déjà, un des bars est vide, fait que déjà, je pense que ça fait en sorte que beaucoup de gens qui sont partis. Et il y a Mute en spectacle, mais qui rentre super tard dans la soirée. Et pour tous ceux qui les connaissent pas, ben c'est un groupe de punk, technique, mélodique, et que j'ai vu l'année dernière au Déboulot aux Fesses. Moi-même, je me dis, ah mon Dieu, je les avais perdus de vue. Tandis qu'ils ont 5 albums de sortie, même un qui est sorti l'année dernière. Et c'est drôle, c'est la deuxième fois que je revois en peu de temps, depuis la toute première fois, qui était quand même à la tournée 1, 2, 3 punk, oui, organisée par Musique Plus. Et ça avait eu lieu au Centre culturel du Cégep de Trois-Rivières avec Rise Against. Mais depuis ce temps-là, j'avais perdu Mute de vue complètement. Et c'est drôle. Cette soirée-là a fait en sorte que, même s'il est sorti l'an dernier puis que je l'ai écouté, là, mais leur dernier album, Remember That, je capote. Je pense qu'il y a des albums que j'ai plus écoutés du dernier mois. Là, ça par rapport. Depuis ce spectacle-là, finalement, où l'expression « plus il y a de fou, plus on a du plaisir », ben ça marche pas. Il y avait moins de monde, puis le monde, il y avait un vent de folie qui, je crois, les a emparés. Peut-être aussi parce que c'est les fans qui sont restés. Il y en a un, il me l'a dit carrément. Il a dit, ce band-là, il est trop insane. C'est mon groupe préféré. C'est le meilleur groupe au monde. Oui, il a vraiment dit le meilleur groupe au monde. Je trouvais que comme superlatif, là, je me dis, OK, quand même, il l'assume, là, son amour. Et je reviens sur le mot amour parce que il y avait moins de monde, et oui, il y avait moins d'attraction que pour le band de cover, puis je me disais, oh, c'est tellement triste, c'est tellement ingrat la vie pareille. Tu sais, la facilité des tunes que tout le monde connaît, ben oui, c'est comme au karaoké, ben oui, on va toutes la chanter, Marjo, puis on est toutes contentes de l'entendre. Pourquoi on veut pas... Pourquoi, oui, on serait content d'entendre d'autres chansons, mais pourquoi on... Ouais, c'est la roue qui tourne, plus on les réécoute, plus on est heureux, puis tout le monde a le même référent culturel, fait que tout le monde est content. Mais là, c'est... Ça m'a titillé. Au moins, les gens, justement, étaient tellement encore plus fougueux dans leur attitude que je crois que ça l'a un peu pardonné. Quand je dis fougueux, là, il y a eu un concours de limbo. Il y a du monde qui ont décidé à danser le rock, même si musicalement, ça fitait pas. C'est juste que les gens sont venus pour avoir du plaisir. C'est le party de la rentrée. Ils ont du fun. Puis c'est juste ça qui compte. Puis je trouvais que c'était... Tout comme le restant de la soirée, comme tout le début de la soirée, c'était très permissif dans leur attitude. Mais là où ça me... Oui, la peine, c'est... Mais c'est ça, c'est l'amour que des fois on donne peu pour un groupe qui va vraiment jouer ses chansons. Et en même temps, je me disais, c'est triste, mais c'est normal. Parce que c'est comme le Petit Prince et le renard. Le renard, là... Il n'est pas ami tout de suite avec le Petit Prince. Il demande d'être apprivoisé. Mais c'est la même chose avec les bands. Je veux dire, il y a quand même certaines catégories qu'on pourrait faire, on pourrait classer. Tu sais, tu pourrais justement assister à ce spectacle-là et être devant le groupe, n'en avoir rien à faire et partir. Zéro découverte. Tu pourrais tendre l'oreille de façon distante, rester assis, te dire, ah, c'est bon, c'est quoi le nom du band, puis aller l'écouter. Finalement, peut-être retourner, ou juste écouter chez vous, ou ne pas faire de découverte, puis te dire que c'est peut-être pas ton genre. Tu pourrais aussi être parmi les gens, justement, ce soir-là, être sur le party, et qui que ça aurait été sur scène, tu vas triper ta vie! Et tu peux aussi vivre un coup de cœur musical, assister, dire, ben voyons, c'est bien bon, puis hey, j'aime ça! Alors, apprivoiser, c'est pas nécessairement une notion de temps. Ça peut être circonstanciel, comme on peut voir avec un groupe, mais je comprends que déjà, un bar vide, ça aide pas notre cause, mais aussi... qu'il y ait moins de gens parce que ça demande un effort supplémentaire. Quand on va voir un spectacle, en général, c'est parce qu'on connaît le groupe, on a acheté le billet, on a écouté les chansons, on les aime déjà. Tandis que là, c'est tellement un contexte qui... Ah, ouais, je répète, mais ingrat, ça peut... Je trouve ça tellement dur, mais en même temps, je me dis, en tant que groupe, tu t'y attends un peu que quand tu vas jouer à un show étudiant à 1h du matin, ça sera peut-être pas... Tu peux t'attendre au meilleur et au pire. Mais pour moi, il y avait beaucoup de meilleurs. Oh mon Dieu, il y en a un qui fait un backflip. C'était, quand je vous dis permissif, oui, ça danse, ça bouge, sans trop de regard sur les autres. Et même que quand il y a moins de monde, ça laisse plus d'espace à faire des folies. Fait que ça fait que, oui, on en ressort d'une soirée où... je m'attendais peut-être au pire et que finalement, j'ai vécu un bon moment. Et c'est peut-être aussi parce que pour le show de Mute, vraiment, il y avait un fan aguerri juste à côté de moi. Puis je me disais, c'est beau à voir. C'est beau à voir aussi que lui, il aime, puis on dirait que il s'énerve, puis il va pousser les autres qui ont peut-être pas la même amour, la même attention pour le groupe, mais que ça se confond si bien. Et sur ce, ben écoute, on va aller en écouter. Et vu que j'ai beaucoup aimé cet album, on va aller en écouter du Remember That. Alors, ça va être la chanson Black Hurt. Et sur ce, je m'appelle Jolene Ruiz. C'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge. Pour toute suggestion, on va sur le Facebook de Critique de Crowd. C'est facile de me jaser. C'est bien agréable. Et je vous remercie tous parce que vous êtes vraiment une des meilleures crowds que je connais. C'est bien celle des auditeurs de la marge. Alors, mute tout de suite, drette là, et je vous dis à la semaine prochaine. Sont peut-être finis, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20% de réduction sur l'abonnement au CEPSUM. Visitez cepsum.umontréal.ca pour tous les détails et inscrivez-vous dès maintenant. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Venez célébrer les 20 ans du Quatuor Molinari le vendredi 10 novembre à 19h30 au Conservatoire de Montréal. Informations sur le site web du Quatuor Molinari et sur levivier.ca. Film à l'affiche, Sur la lune de nickel, en salle à la Cinémathèque québécoise depuis le 20 octobre. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Pour la toute première fois en 6 ans, A Perfect Circle. Le mardi 14 novembre, à la Place Belle à Laval. A Perfect Circle en concert. Billets en vente dès maintenant. Sur placebelle.ca, evenco.ca ou par téléphone au 1-855-634-4472. A Perfect Circle. Quand on prend une bière à Leto Brasserie, il y a toujours la bonne musique. Mais jamais trop forte! Leto offre plusieurs bières brassées sur place ainsi qu'une sélection des meilleures bières et spiritueux du Québec. En plus, la pinte de bière maison est toujours à prix réduit avant 19h. On y mange très bien pour un prix vraiment abordable, que ce soit pour souper ou pour le petit snack de fin de soirée, sans compter que le service y est toujours courtois et attentionné. Salut, t'as-tu le temps de regarder le menu un petit peu? Ouais, ben je veux savoir en fait. C'est vraiment la place pour sortir en gang et avoir du fun. Leto Brasserie, la brasserie artisanale de Villeray. Métro Jarry, ETOHbrasserie.com. Le dimanche 5 novembre, Maxime dit qu'il aura autre chose à faire que d'aller voter. Il doit emmener Sultan au parc à chiens et aller renouveler sa passe d'autobus. Il veut ramasser les feuilles avant la collecte de résidus verts et se débarrasser de la vieille commode à l'éco-centre. Il a deux romans ramenés à la bibliothèque, il y a sa fille qui suit des cours de natation et son plus jeune qui lui a fait promettre qu'ils iraient ensemble au planétarium à vélo. Montréal, c'est vos services, vos loisirs, votre ville. Le 5 novembre, prenez le temps d'aller voter. Pour connaître les différentes façons de voter, rendez-vous sur jevotepourmaville.ca. Vous écoutez La Marge à Matane. La Marge à Repentigny. La Marge à Terrebonne. La Marge à Bois-Châtel. À Baie-Saint-Paul. Joliette. Sept-Îles. À Cape-Vale. À Québec. Sept-Îles. À Manitoba. La Marge, c'est pas juste à Montréal. Va voir ailleurs si j'y suis sur les ondes de CISM les lundis à 7h. Du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Paubière, Loud, Mondou Seigneur, Emmanuel Looper, Maud Audet, Keith Kuna, à la Claire Ensemble, Cliché, Félix Dia, Corridor, La Bronze et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Jeudi 16h, vous écoutez Roche, Papier, Ciseaux.